السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc nous allons voir ce soir donc le titre du sujet qui est le droit du voisin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous faciliter dans cette soirée, pas comme dans la soirée de la dernière fois. Donc Cheikh dit Hafzullah, donc bien sûr là c'est une cassette, donc c'est une traduction d'une audio qui a été faite, donc d'un audio qui a été fait par Cheikh Ali Razi At-Wajri Hafzullah Azza wa Jal, docteur à l'université islamique de Médine. Donc nous allons voir ensemble ce soir un sujet parmi les plus importants qui s'intitule le droit du voisin. Lorsqu'Allah a descendu énormément de biens aux gens sur cette terre, beaucoup d'entre eux ont désobéi. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas ne connaissent rien de leurs voisins, qui sont même voisins depuis une longue période. Ils ne connaissent ni leur nom, ni leur situation. Ils sont considérés pour eux pour des personnes qui sont lointaines, alors que leurs demeures sont proches, alors que leurs demeures elles sont proches. Et malgré cela, on dit quand même que ce sont parmi les meilleurs voisins, du fait que tellement il y a bien sûr donc des voisins qui causent tort. Et lorsqu'on rappelle aux croyants les récits de la législation, en ayant un bon doute sur, il répond à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous rappelle, et je ne suis pas celui qui rappelle, car Allah dit à son envoyé et rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Je vais donc vous mentionner les textes du Coran de la Sunna sur ce sujet. La parole du Seigneur des mondes est la parole de celui qui ne parle pas par ses propres passions. Celles que lorsque ces paroles parviennent aux musulmans, leur foi augmente. Enfin, une fois leur authenticité vérifiée, ils s'empressent à les mettre en œuvre, car elles sont la parole de celui qui est exempt d'erreur, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va voir en premier lieu la définition du mot voisin et comment il est délimité, comment le voisinage est délimité. Ensuite, les catégories de voisins, et après tout cela, on citera des textes du Coran, de la Sunna, en ajoutant des exemples de nos pieux prédécesseurs, commençant par les compagnons qui sont, puis ceux qui les suivent dans ce droit qui est illustre, et on verra par la suite le comportement à adopter envers le voisin et autres. Donc le voisin, que signifie le voisin? Donc, ce voisin signifie... Donc, que signifie le voisin lorsqu'on rencontre des textes qui nous exhortent à l'honorer et à garder des liens avec lui? En arabe, le mot voisin est en définitive celui qui vit avec. Sakinuhu. Et on l'emploie aussi pour celui qui vit près de toi, l'étranger, l'associé dans le commerce, celui qui a partagé donc sa demeure avec toi maintenant, ou une parcelle de terre, et on le considère aussi pour l'époux ou l'épouse qui vit avec toi, et autre encore. Donc on voit que la définition elle est large. Et en islam, le voisin est celui qui a sa résidence collée à la tienne ou rapprochée. Comme l'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans son explication de Riyad Salihin. Et d'autres disent que c'est celui qui est proche de toi dans la législation, qu'il soit musulman, mécréant, pieux, pervers, ami ou ennemi, bienfaisant ou malfaisant, profitable ou nuisible, proche ou étranger, de la même origine ou d'une autre origine, on les appelle tous voisins. Et le voisin, donc, est celui qui vit près de chez toi. Les savants ont divergé lorsqu'ils ont situé le voisin. Jusqu'où limiter le voisinage afin d'honorer les droits? Donc l'importance de ce sujet, c'est de savoir qui donc mérite ce droit. Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayhi, dit dans son charh Fath al-Bari, dans le charh de Sahih al-Bukhari Fath al-Bari, il dit: il y a divergence sur la délimitation du voisinage. Et Ali radiallahu anhu dit: celui qui entend l'appel à la prière est un voisin. Et on dit: celui qui prie, donc le soupe, et avec toi est un voisin. Donc lorsqu'il a dit celui qui entend l'appel à la prière est un voisin, donc Cheikh Ali Tweji a expliqué que c'est celui qui entend ton appel. Si maintenant tu venais de chez toi à faire l'adhan, et que tous ceux qui entendaient ton adhan sont tes voisins. Et Aïcha radiallahu anha dit que le voisin c'est 40 maisons de tout horizon. 40 maisons de tout horizon. Et Aouzaï dit la même chose. L'imam al-Bukhari aussi cite exactement la même chose de la part de Al-Hassan al-Basri rahmatullah alayhim jami'a. Et l'imam al-Tabarani rapporte avec une chaîne de transmission qui est faible, où Ka'b ibn Malik rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'est-ce pas que pour 40 maisons se trouve le voisin? Ibn Wahb rapporte de Yunus qui rapporte d'Ibn Shihab: 40 maisons à droite, à gauche, derrière et devant. Et Ibn Uthaymin dit, rahmatullah, il y a quelques textes. Donc il y a dans quelques textes qui prouvent que le voisin se délimite sur 40 maisons de tout horizon. Et il n'y a pas de doute que le voisin dont sa demeure est collée à la tienne est un voisin. Et ceux qui sont derrière lui, si maintenant les récits sont véridiques, qu'ils proviennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vérité est donc ce qui nous est parvenu. Sinon, on revient dans ce sujet à la coutume. On revient dans ce sujet au urf, à la coutume. Donc ceux qui considèrent les gens, c'est-à-dire comment considérer les gens, bien sûr, comme voisins. Si les gens considèrent que tel ou tel est un voisin, donc c'est un voisin dans la coutume. Et cette parole est celle qui est retenue et véridique sur le sujet du voisinage. Elle est délimitée par la coutume. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, rapporte dans le Majmou' al-Fatawa, tome 31, page 9, lorsqu'on le questionna sur le legs et le don pour la cause d'Allah au voisin, il répondit: celui qui lègue ou donne et ne connaît pas ce que signifie le voisin, ni par le prononcer, hein, ni par le fait de savoir ce que veut dire, ni par le prononcer, ni par la coutume, il revient donc à l'appellation juridique qui est 40 maisons de tout horizon, de part de ce qu'il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les voisins sont donc 40 ici et là. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, n'entre pas au paradis celui qui ne protège pas son voisin de son propre mal. Allahu a'lam, par rapport bien sûr au hadith qui est faible. Et après Cheikh dit Allahu a'lam, donc sa parole est terminée. Donc on voit que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a commencé par citer la coutume. Hein, ou sinon, si la personne et les gens ne connaissent pas donc cette coutume, ils reviennent donc à 40 maisons par rapport au hadith qui est faible. Et il est mentionné aussi dans Adab al-Mufrad, avec une chaîne de transmission qui est bonne, où Hassan al-Basri fut questionné sur le voisin et dit: 40 maisons devant lui, 40 derrière lui, 40 à sa droite et 40 à sa gauche. Il en résulte de la parole des savants que le voisin est celui qui est collé à toi et celui qui est proche. Et si les gens ont une coutume à ce sujet, si cette coutume n'est pas comme et que les gens sont en ondes différentes, donc la coutume, imaginez-vous en Asie, ne sera peut-être pas la même qu'en Afrique par exemple, donc qu'il y a une requête, il y a une demande à ce sujet, c'est donc 40 maisons de toutes. Donc c'est donc 40 maisons de tout horizon. Et il est donc considéré comme ton voisin. Et plus le voisin se rapproche, plus le droit sera appuyé et obligatoire. Il y a du son? De temps en temps, mettez un, barakallahu fikoum, pour qu'on soit sûr qu'il y a du son. Barakallahu fikoum. Combien de catégories de voisins existent-il? Donc certains savants disent qu'il y a trois types de voisins. Un qui possède un droit, un qui en possède deux, et le dernier en possède trois. Donc celui qui possède un droit, c'est le voisin mécréant ou polythéiste. Il possède seulement le droit du voisinage. Et celui qui possède deux droits, c'est le voisin musulman qui n'est pas des proches, c'est-à-dire de la famille. Il possède donc le droit du voisinage et celui de l'islam. Et le voisin qui possède trois droits, c'est le musulman qui fait partie des proches, c'est-à-dire de la famille. Il a donc le droit du voisinage, celui de l'islam et celui de la parenté. On rapporte d'un hadith rapporté par Al-Bazar et Abu Sheikh avec une chaîne de transmission qui est faible. Où Jabir radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les voisins sont au nombre de trois actes. Et c'est le plus simple des voisins, donc c'est le plus simple des voisins qui possède, c'est-à-dire c'est celui qui possède le moins de droits, et le voisin qui a deux droits est celui qui en a trois. Donc celui qui a un droit, c'est celui du voisin qui n'est pas apparenté. C'est celui du voisin qui n'est pas apparenté. Elle possède le droit du voisinage, et celui qui possède deux droits, c'est le voisin musulman. Donc on a vu que celui qui n'était pas apparenté, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman et ni apparenté, celui qui a un droit. Et le voisin qui a deux droits, c'est celui qui est musulman et il a deux droits. Donc il a le droit de l'islam ainsi que celui du voisinage. Et celui qui en possède trois, c'est donc le voisin musulman apparenté, il a aussi le droit de l'islam ainsi que, donc bien sûr, celui qui est proche, celui qui se rapproche, donc le fait d'être voisin. Mais ce hadith est faible. Et ce qui vient prouver que la faiblesse de ce hadith, c'est aussi un verset qui nous montre plus que trois types de voisins. Même si cette parole, elle reste vraie. Et parmi ceux qui reconnaissent cette parole, le mufti actuel, Shir Abdelaziz al-Shir, qui a une fête par rapport à cela. Et on retrouve aussi deux types, donc on va retrouver donc dans ce verset deux types de voisins généralement, de façon générale, de façon globale. Deux types de voisins, et on va retrouver dans chacun de ces deux types de voisins encore deux types, ce qui va donner à quatre, deux fois deux. Donc ça va nous amener à quatre types de voisins. Donc il y a bien sûr donc le voisin qui est proche et le voisin qui est éloigné. Donc si on devait mettre grand 1, on mettrait le voisin proche et grand 2 le voisin éloigné. Voilà les deux grands titres par rapport au voisin. Et le voisin qui est proche, donc peut-être musulman ou non. Donc voilà encore une fois deux autres titres, deux sous-titres. Donc si maintenant on mettait grand 1, on mettrait le voisin proche. Petit 1, musulman. Petit 2, petit b, non musulman. Grand 2, le voisin éloigné. Petit a, musulman. Petit b, non musulman. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Moi, Abdillah ou quelqu'un d'autre? Donc si vous pouvez mettre le grand 1, petit a, petit b, grand 2, petit a, petit b, afin que les gens connaissent, savent exactement les types de voisins et comment cela est séparé. Donc le voisin, comme on l'a dit, le voisin est divisé en celui qui est proche et celui qui est loin. Et malgré cela, on va quand même mettre l'accent sur le voisin qui sera apparenté. Je ne sais pas si vous avez écrit, mais moi en tout cas je vois rien. Peut-être que vous avez écrit. Si vous avez, mais en tout cas là je vois rien pour l'instant. Donc on va mettre l'accent d'un, donc grand 1, le voisin qui est proche. Nam, petit a, grand 2, le voisin éloigné. Donc dans le grand 1, il y a petit a et petit b. Donc celui qui est, de toute façon c'est la même chose, celui qui est musulman et celui qui ne l'est pas. Tout en mettant, de toute façon, dans les quatre cas, on va mettre l'accent sur le fait que la personne fasse partie de la famille. Le fait que la personne fasse partie de la famille, elle peut très bien être parmi les quatre types qu'on a vus là. Parmi les quatre types qu'on a vus ici auparavant. Il existe dans ce domaine un grave manquement. Plus que dans beaucoup d'autres. On voit que Shaitan a œuvré et divisé entre les proches. Alors qu'ils sont voisins. Et Shaitan, bien sûr, est l'ennemi de l'homme. Et à chaque fois que le cas est plus profitable ou plus obligatoire pour toi, donc bien sûr que Shaitan œuvrera pour louer, ou bien pour barrer, pour barrer la route à cela. Et il existe des textes du Coran et de la Sunna afin de montrer le droit du voisin. Et dans le Coran, on y trouve un seul verset, dans la sourate les femmes, sourate An-Nisa. Et il comprend plusieurs droits. Et certains savants ont appelé ce verset le verset des 10 recommandements, des 10 recommandations. Et ce souvent on retrouve, Allah Azza wa Jalla dit donc dans ceci, agissez avec bonté envers vos premiers, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, et les esclaves en votre possession, car c'est le présomptueux, l'arrogant. Dieu a recommandé par le plus grand et le plus important qui est l'adoration d'Allah sans lui donner d'associé. C'est le droit le plus grand. Et puis en second lieu, il demande de la bonté envers, car ils ont un droit énorme envers nous, leurs enfants. Car Allah Azza wa Jal de ton existence. Et c'est pour cela qu'ils disent, dit, donc, et bonté envers père et mère. Et la bonté, c'est tout ce qui englobe ce mot. Et les voisins proches. Donc, la recommandation pour les voisins proches, afin d'être bon envers eux. De tisser les liens envers eux. Et celui qui a perdu son père, alors qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Donc, yatim, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Donc, cela fait partie, bien sûr, de la bonté de l'islam et des droits humains. Du fait que l'on prenne soin de cet orphelin, alors qu'il est peut-être lointain à l'origine, mais Allah commande d'y prêter attention afin de remplacer le parent perdu. Et les pauvres, cela donc s'englobait tous ceux qui sont dans le besoin. Le miskin, donc il est mentionné seul dans le texte, hein, il comprend el faqir et el miskin. Lorsque ce mot sera situé dans un texte, mais il est seul, il n'est pas, on ne retrouve pas le mot qui est à côté et qui est donc fakir et miskin, lorsqu'on retrouve pas dans un texte, c'est-à-dire les deux mots, en ce moment-là on comprend que ce mot englobe les deux mots. Et ce sont tous ceux qui ne trouvent pas de suffisance. Et si on les trouve dans le même texte, comme dans la sourate Al-Bara'a, donc là où il est mentionné les catégories de personnes qui perçoivent l'aumône légale, el fakir, c'est celui qui n'a rien. El miskin, c'est celui qui a quelque chose, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant pour son besoin minimum. Donc dans ce verset, le miskin est mentionné seul. Il comprend donc el fakir et el miskin sans rien et ceux qui n'ont pas assez pour leur besoin minimum. Allah nous a donc ordonné d'être bon envers eux, de leur donner et de prendre soin. Et d'y prendre soin. Puis il nous recommande aussi la bonté envers les voisins proches et lointains. Et même Tabari dit dans son exégèse, les exégètes ont divergé sur l'explication de voisins proches. Certains ont dit le voisin proche est apparenté. Donc certains ulama, certains savants ont dit que c'était le voisin qui était proche et apparenté. Lorsqu'il dit voisin proche, donc c'est comme ils font la séparation entre les deux mots, voisin pour dire qu'il habite à côté et proche pour dire qu'il est de la famille. Et certains ont dit voisin proche, donc apparenté comme l'a mentionné donc Ibn Abbas, donc parmi les ulama qui ont dit ça, donc par l'illustre compagnon Ibn Abbas, et Ibn Hajar l'a considéré comme bonne. Donc cette parole est Hassan, elle est bonne. Alors, on retrouve cette parole dans le fiqh. Ainsi que Ikrima, Ibn Jahid, Dahhak, et Ibn Zayd, et Qatada, et d'autres encore. Et d'autres savants disent que c'est le voisin qui est proche, tout simplement. Donc Maymoun Ibn Mihran dit ça. Ibn Af Maymoun Ibn Marwan. Donc dit, cela, il dit que c'est celui qui a des liens avec toi, dû à son voisinage. Donc dû à son voisinage, avec ton proche, c'est-à-dire le voisin de ton proche. C'est-à-dire, ils veulent dire que, donc cette parole, bien sûr, qui n'est pas acceptée, donc certains savants ont dit que, quand il dit Al-Jar Al-Qarib, ils veulent dire que c'est le voisin de ton cousin, ou le voisin de ton frère, ou le voisin de quelqu'un de ta famille. Mais cette parole, elle n'est pas retenue. Cette parole, elle est contraire à celle qui est connue, d'abord. Donc elle n'est pas retenue, elle est contraire avec celle qui est connue chez les Arabes, et avec ce qui est, et bien sûr, car celui qui est cité dans le voisin proche, c'est le voisin. Et pas autre que lui. C'est clair qu'on parle du voisin, on ne parle pas du voisin de ton proche. Et la vraie parole, bien sûr, dans ce sujet, c'est le voisin qui est proche de toi, qu'il soit musulman ou mécréant. Et El-Jar, El-Junub, donc le voisin qui est lointain, certains commentateurs du Coran disent hein, que c'est celui qui est loin et c'est celui qui n'a pas de rapprochement avec toi. Ibn Abbas radiallahu anhuma dit cela, donc il dit cela, ainsi que Qatada et As-Suddi, Al-Mujahid et Ikrima, et d'autres encore. Et d'autres disent le voisin polythéiste, donc et la parole bien sûr que retenue, c'est celui qui est étranger. C'est celui qui est étranger, lointain. Qu'il soit musulman ou polythéiste, juif ou chrétien. Donc voilà, Al-Jar al-Junub, donc c'est celui qui habite loin de chez toi. Qu'il soit même, donc qu'il soit musulman ou pas, qu'il soit proche de la famille ou pas. On appelle ça Al-Jar al-Junub. Et on a bien dit que si c'était quelqu'un de la famille, donc son droit sera appuyé tout simplement qu'il fasse partie des quatre cas. Donc Allah, bien sûr, nous a recommandé de la bonté envers le voisin, proche qu'il soit musulman ou non, ainsi que celui qui est lointain. Et on y retrouve donc ces quatre catégories dans chacune d'entre elles. Et Allah nous l'a ordonné, et à la base, l'ordre signifie l'obligation. Il nous a ordonné de l'unifier dans l'adoration. C'est un droit qui est exclusif à lui, subhanahu wa ta'ala, ainsi que... Donc ainsi, l'ordre aussi, bien sûr, nous a recommandé, donc... Le commandement est parmi ça, c'est qu'il y a la bonté aussi envers les voisins qui sont proches et qui sont éloignés. Voilà ce que comprend ce verset. Et dans la Sunna, on y trouve beaucoup de textes qui incitent à honorer le voisin. Il est rapporté dans Al-Bukhari Muslim, d'après un récit d'Abi Shuraib Al-Adawi, donc qui dit que, il rapporte, donc mes deux oreilles ont entendu et mes yeux ont vu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte. » Jusqu'à la fin du hadith. Et Ibn Hajar explique le sens d'honorer le voisin. Et dit, il est mentionné l'explication d'honorer hein, et d'être bienfaisant, donc par rapport à un autre hadith, où là aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'être bienfaisant en même temps, envers le voisin, donc de ne pas le nuire à travers tout ce récit prophétique. Donc il faut être bon envers le voisin et aussi il ne faut pas le nuire. Comme il est cité dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, quel est le droit du voisin envers son voisin? Donc il répond sallallahu alayhi wa sallam, s'il t'emprunte, écoutez bien là, vous allez trouver beaucoup de choses. Donc il dit, s'il t'emprunte, tu lui prêtes. S'il te demande de l'aide, tu le fais. S'il tombe malade, tu le visites. S'il a besoin de toi, donc s'il a besoin, tu lui donnes. Et s'il lui manque quelque chose, tu lui combles ce manque. S'il lui arrive une bonne nouvelle, tu le félicites. S'il l'afflige un malheur, tu lui fais tes condoléances. S'il meurt, tu suis son cortège. Ne construis pas au point où tu empêches l'air de le parvenir. Donc tu ne peux pas construire et que tu vas empêcher l'air d'arriver jusqu'à chez lui, sauf par sa permission, et ne gêne pas, et ne le gêne pas par l'odeur de ta marmite, sans que tu lui en aies donné. Et si tu achètes des fruits, offre-lui-en. Et si tu ne le fais pas, alors entre là en secret, et que ton enfant ne sorte pas avec, donc avec ce fruit, afin de rendre jaloux le sien. Et Ibn Hajar dit, les mots du texte sont proches, et les expressions sont nombreuses, hein, ce qui donne l'impression que ce récit prophétique a une origine. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs variantes et versions dans ce hadith qui sont à l'origine faibles, mais simplement le fait qu'ils sont nombreux et qu'on retrouve beaucoup de, malgré les chaînes de transmission différentes et beaucoup de donc de similitudes dans ces mots, donc Ibn Hajar dit que cela, donc un grand savant du hadith dit que c'est une preuve que cette parole a une origine. Donc ces recommandations peuvent être pour certaines obligatoires, ou bien fard kifai, c'est-à-dire obligatoire pour certains de la communauté, et si certains de la communauté mettent en pratique cette obligation, donc ce ne sera pas l'autre partie de la communauté sera exemptée de cela, ou recommandée. Et cela donc selon les différents cas chez les personnes. Mais tout cela retourne bien sûr au bon comportement. Et qu'est-ce que ça récompense d'un jour et d'une nuit? Parce que le hadith qu'on a cité auparavant, lorsque j'ai dit jusqu'à la fin du hadith, qui n'a pas été terminé, où il dit Jaizatuhu, hein, donc c'est un jour et une nuit. C'est-à-dire, Al-Khattabi dit qu'il le rende joyeux, qu'il le fasse rire et qu'il multiplie les bons actes par rapport à cela. Donc un jour et une nuit. C'est-à-dire que lorsque le voisin a le... Là, il parlait par rapport à Jazatuhu, lorsqu'il parlait du voisin, parce qu'on avait vu aussi le lot. Lot, c'est-à-dire le, si tu as un invité à ta maison, ton hôte, ton invité. Donc ton invité, il a un droit chez toi de 3 jours. Mais sachez que les 3 jours ne seront différents. C'est-à-dire le premier jour, en ce moment-là, là, oui, tu peux lui offrir les meilleures choses. Hein, tu vas vraiment donc faire maintenant des efforts. Il y aura vraiment un très bon repas. Il y aura beaucoup de fruits, par exemple. Il y aura des gâteaux. Il y aura, hein, et puis tu vas rester beaucoup avec eux. Le deuxième jour et le troisième jour, il va manger de ce que tu manges normalement. Et au bout de 3 jours, le mieux pour la personne, c'est de ne pas rester. Sauf si toi, tu lui donnes, bien sûr, l'autorisation. Donc, et les 2 autres jours, il lui présente ce qu'il a préparé, tout simplement. Donc, c'est ordinaire. Les 2 autres jours sont ordinaires. Le premier jour, il sera spécial. Et les 2 autres jours, ils vont rester ordinaires. Donc, et une fois arrivé au 3e jour, il a donc terminé son droit. Et au-dessus de toi, tout ce que tu lui présentes est une aumône. Donc, le jaiza, c'est le fait de lui présenter plus que ce qu'il a besoin. Donc, c'est bien sûr, il ajoute dans le fait de l'honorer. 1 jour et 1 nuit. Et les 2 autres jours, il lui présente ce qu'il a, et au-dessus de 3 jours, donc c'est une sadaqa, et il lui est interdit normalement de rester chez lui, au-dessus de 3 jours, pour ne pas le gêner. Comme il est cité dans le hadith, sauf si le propriétaire lui demande de rester. Et parmi les récits prophétiques, l'insistance dans le fait de ne pas causer de tort au voisin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les 2 hadiths, dans les 2 sahih, afwan, par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. On dit, qui est envoyé d'Allah? Celui qui ne protège pas son voisin de son propre mal. Et dans Ahmed et Al-Hakim, avec une chaîne de transmission authentique, on dit, et qu'est-ce que Bawa'iq vous? Donc, il répondit, Charruf. Hein, Bawa'iq, c'est le mal. Char. Ibn Hajjam dit, Rahmanullah. Donc, il prend de Ibn Battal, il dit, donc cela met l'accent sur le droit du voisin, car il a juré sur ce point. De plus, il l'a répété jusqu'à 3 fois. Et il rejette la foi de celui qui cause du tort à son voisin par la bouche ou l'acte. Comme il a dit le prophète, il a juré 3 fois. Donc il a juré 3 fois et il a dit qu'il ne croit pas. Donc il a renié la foi de celui qui cause du tort à son voisin. Et cela prouve la gravité de ce sujet. Cela prouve la gravité de ce sujet. Et cela signifie la foi complète, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi. La foi complète. Et il n'a pas de doute que celui qui commet des péchés n'a pas la foi complète. L'imam Nawawi dit rahmatullah alayhi. Donc il cite dans le sujet de la foi 2 réponses. La première réponse, c'est pour celui qui rend licite cela. Donc si c'est le cas, c'est donc un mécréant. Donc il dit que maintenant, si quelqu'un faisait du mal à son voisin et qui considère que ça c'est halal, c'est du coup. Donc c'est de la mécréance. Et si c'est un manquement de sa part, il n'est pas sorti de l'islam. Et le second, hein, c'est que ce n'est pas un croyant possédant, mais sur une foi qui est complète. Il n'aura pas l'exemple par la récompense d'entrer au paradis avec le premier groupe. Hein, d'entrer au paradis avec ceux qui méritent de rentrer au paradis en premier. Tout cela, où cela est venu pour le réprimander, ainsi que le fait d'être dur avec. Allahu a'lam. Ibn Abi Darda, donc il dit, si le droit du voisin est dit avec insistance, avec la séparation entre les deux, alors qu'on leur donne de le protéger et de lui faire parvenir le bien, ainsi que le fait de s'abstenir des causes qui amènent à un tort envers lui, il doit donc prêter attention aux 2 protecteurs, écoutez bien. Hein? Donc qui protège, parce que les 2 protecteurs, ce sont les anges qui le protègent. Ceux dont il n'y a pas entre eux et toi de mur, ni de séparation, ni hein, qui leur montre donc pas de désobéissance à chaque temps, car ils sont heureux au moment de la bonne action et s'attristent au moment du péché. Il faut donc faire attention à cela en œuvrant plus et en restant assidu dans le fait de s'abstenir de commettre des péchés, car ces deux-là sont prioritaires sur beaucoup du voisin, qui est du droit. Allah, donc, intaha kalamu. Donc là, il cite les anges, il cite maintenant les voisins, hein, qui ont, pourtant, il y a une séparation entre nous et nos voisins, alors que dire des anges qui sont en compagnie avec nous tout le temps. Donc, leur compagnie ramène justement encore plus de droits à cela. ce qui prouve l'obligation toujours d'honorer le voisin et l'interdiction de lui causer de tort, c'est le récit qui est dans Al-Bukhari Muslim où Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il ne cause pas tort à son voisin. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ô serviteur d'Allah, toi qui crois en Allah comme Seigneur, tu crois au jour dernier où tu seras stationné devant ton Seigneur, nu, incirconcis, comme le jour où ta mère t'a engendré, ne cause pas tort à ton voisin, quel que soit le tort. Abu Huraira rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entre pas au paradis celui qui ne protège pas son voisin par son propre mal. » Et le hadith est rapporté par les mêmes musulmans. Fais attention à ce que cet acte ne soit pas ce qui t'empêche d'entrer au paradis. Et Abu Shuraih al-Khuzai rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienséant envers son voisin. » Et cela comprend tout type de bienséance. L'insiste pense aussi d'offrir au voisin un moindre cadeau. Car le cadeau fait naître. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Offrez-vous, vous vous aimerez. » Même si le cadeau n'est pas excessif, n'est pas cher, et il reste ancré en soi. Il reste ancré en soi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, « Aux femmes que la voisine ne déteste pas d'offrir à sa voisine, ne fût-ce qu'une patte de mouton. » Et Ibn Hajar dit, « Aux femmes musulmanes, donc c'est ciblé. » Donc regardez là, on fait appel aux femmes. Donc c'est ciblé, car ceux qui sont visés savent ce que cela veut dire. Savent ce que cela veut dire, c'est-à-dire ne déteste pas de donner à ta voisine quelque chose, même si ce que tu as donné n'est pas de façon générale profitable. Et il est possible que cela signifie l'interdiction d'une chose. Et c'est l'obligation de son contraire. Donc c'est l'interdiction de ne pas offrir, donc c'est lorsqu'on dit qu'il ne faut pas détester, donc on comprend qu'il faut aimer, on va comprendre, on comprend le contraire, donc c'est le fait d'aimer obligatoirement ce qu'on va offrir. Et aussi, on revient toujours par rapport à cette explication, on va voir justement cette explication par la suite, c'est-à-dire de s'entraider, de s'entraîner comme s'il disait en vérité, donc, aimez-vous par le cadeau entre voisins, cela touche. Donc le riche et le pauvre. Et cela amène à l'amour, même par une chose qui est simple. Alors que, si ce n'est qu'une chose dont ton voisin va profiter, c'est encore meilleur bien sûr. Et cela concerne aussi les hommes. Le Hafid dit, donc les femmes ont été spécifiées, ciblées, car elles sont le domaine de l'amour ou de la haine. Oui, elles sont donc souvent la cause de la haine dans la famille, ou si elles sont bien, ce qui vient après c'est bien. Donc on sait que les histoires, souvent elles démarrent par les femmes. Donc s'il y a un bon voisinage, souvent aussi ça démarre aussi par les femmes. Elles sont plus rapides dans ce domaine, dans le fait de ramener un bien ou dans le fait de ramener un mal. Les femmes, elles sont plus rapides dans ce domaine. Et donc il est plus rapide pour la femme d'obtenir alors cet amour ou cette haine. Et Souleymani dit, cela peut aussi vouloir dire que celle-ci qui donne ne la déteste pas, ou le contraire, c'est-à-dire celle qui reçoit, et les deux sont bons, c'est-à-dire que celle qui donne ne déteste pas ce qu'elle a donné, même si ce n'est pas profitable. Ou on peut comprendre aussi par le hadith que celle qui a reçu cette chose, même si la chose n'est pas profitable, qu'elle ne déteste pas ce qu'elle a reçu. Donc c'est valable pour celle qui donne et pour celle qui reçoit. Et quel est des deux voisins celui qui mérite le plus le cadeau? Car on ne peut pas toujours donner à tout le monde, on ne peut pas donner à tous nos voisins des cadeaux. On manque de moyens. Donc donne-t-on à celui que l'on préfère? Dans la sunna, il est mentionné, où Aïcha donc rapporte que le prophète, donc elle a dit, donc j'ai dit, ô envoyé d'Allah, j'ai deux voisins, auquel des deux j'offre? Il répondit, à celui qui a la porte la plus proche de la tienne. Souvent on se trompe à ce sujet. Car le voisin le plus proche n'est peut-être pas de la famille, sallallahu alayhi wa sallam, même si, puis la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc suis la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le voisin se rapproche, donc plus le voisin se rapproche, plus son droit est important. Ça, nous on sera capable de, du fait qu'on n'a pas compris, on sera capable de traverser donc un pâté, un ou deux ou trois pâtés de maison pour donner à celui qui vit dans la même ville que nous, en Algérie ou au Maroc ou ailleurs, donc un plat chaud, mesela, alors qu'on a peut-être traversé 15, 20, 25 voisins. Hein. Du fait que, et on voit que le professeur Hassan a dit, a ordonné de donner au plus proche. A ordonné de donner au plus proche. Et aussi, il faut que tu aimes pour ton voisin ce que tu aimes pour toi-même. Et chacun d'entre nous aime pour toujours. Donc ce que tu aimes pour toi-même, tu aimes pour toujours. Donc que ce soit, hein, donc tu as toute ta vie, tu aimes le bien pour toi-même, toute ta vie, à tout moment. Donc il faut que tu aies la même impression pour ton voisin. Il faut que tu ressentes la même chose pour ton voisin. Et Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ou il dit pour son voisin dans une variante, ce qu'il aime pour lui-même. Donc il a dit son frère ou, donc il y a une, c'est pas une variante mais plutôt un doute, hein, du rawi, du rapporteur, par son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Et tu aimes pour ton voisin, donc tu aimes pour ton voisin et ce que tu as comme bien. Certes, ne le fait que les cœurs qui sont bien sûr sains de tromperie, de vice, de haine et de jalousie. Donc des cœurs dont Allah a facilité, des cœurs miséricordieux, sains. Et celui qui possède cela possède donc beaucoup de biens. Les meilleurs voisins auprès d'Allah sont les meilleurs avec leurs voisins. Et c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud, l'imam al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, al-Hakim dans al-Mustadrak, et il est authentifié par l'imam al-Albani, où Abdullah ibn Omar rapporte, radiallahu anhu wa an abihi, il dit, les meilleurs des compagnons auprès d'Allah sont les meilleurs envers leurs compagnons, et les meilleurs voisins auprès d'Allah sont les meilleurs voisins envers leurs, donc sont les meilleurs envers leurs voisins, sont les meilleurs envers leurs voisins. Donc celui qui va voyager avec toi, qui sera ton compagnon, maintenant dans le travail, dans les études, dans, hein, donc s'il est meilleur, celui avec qui tu restes là, et ton voisin, c'est la même chose. Et veux-tu être le meilleur voisin auprès d'Allah, donc sois le meilleur voisin envers ton voisin. Regardez, tu seras le meilleur voisin auprès d'Allah, si tu es le meilleur voisin envers ton voisin. Et il est interdit aux musulmans aussi de dormir rassasié alors que son voisin a faim. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, où Ibn Zubayr rapporte, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ce n'est pas le croyant qui est rassasié alors que son voisin a faim. Il l'associe de ses biens, dans ses biens, sa nourriture. Et Al-Bazar dit, donc Danès, ne crois pas en moi celui qui doit rassasier et son voisin a faim alors qu'il est au courant. Et cela, donc, alors qu'il est au courant de cela. Alors qu'il est au courant de cela. Il n'est pas véritablement croyant. Hein? Il ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Celui qui doit rassasier et son voisin se retourne, hein, à cause de sa faim. Donc il se retourne dans son lit. Maintenant, s'il essaie de dormir à cause de sa faim, ou bien il tourne dans sa pièce. Il n'a pas de quoi manger, il réfléchit, il gamberge. Et toi, tu le sais. Donc, alhamdoulilah, déjà, il y a un qaid. Il y a une condition, c'est de le savoir. Hein? Donc, la personne, elle va dire, comment je vais faire pour savoir? Donc, tu vas rechercher, tu vas demander, est-ce que ça va? Comment tu fais pour savoir? Ben, tu te renseignes. Tu vas le voir. Tu vas bien. Tu as besoin de rien. Maintenant, tu le sais. Donc, après, le fait que tu fasses attention, tu vas le savoir. Mais si tu ne fais pas attention, comment tu vas savoir? Donc, on doit donc se préoccuper de la situation de notre voisin. Donc, Allah Azzajal nous a gracié. Allah Azzajal a gracié beaucoup d'entre nous avec la richesse. Et ils ne pensent pas que certains de leurs voisins sont au point de ne pas avoir de quoi leur suffire. Et des fois, certains n'ont pas de quoi manger. Hein? De quoi ne pas manger, de pas ce que les autres mangent. Alors qu'on devrait donc normalement se remettre en question dans ce sujet. Et aussi, parmi les choses qui sont graves, toujours par rapport aux voisins, c'est le fait d'insulter et de causer du tort aux voisins. Et cela est une cause de la malédiction d'Allah. Cela est une cause de la malédiction d'Allah, ainsi que les gens. Et cela peut se résulter juste du fait de se garer devant chez lui, de se moquer de lui lorsqu'il passe. Et cela peut être une chose de simple, et elle peut devenir la cause de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la malédiction, c'est quoi? C'est l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Et c'est un péché qui est grave. Il est rapporté dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, dans Abu Daoud, al-Hakim, dans un hadith qui a été authentifié par l'imam al-Albani, rahmatullah alayhim. Donc il est Hassan Sahih, Abu Huraira rapporte que qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est plaint de son voisin et lui dit: ô envoyé d'Allah, mon voisin me cause du tort. Il dit: sors tes meubles et pose-les sur la route. Il l'a donc fait, et tous ceux qui passaient par sur ce chemin lui disaient: qu'y a-t-il? Il répondit: certes, je me suis plaint de mon voisin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a ordonné de sortir mes meubles et l'a déposé sur la route. Et cela leur a fait dire: ô mon Dieu, maudis-le, ô mon Dieu, avilis-le. Cela est parvenu à cet homme, il vint et il dit: retourne, je ne te causerai plus jamais de tort. Et il y a aussi donc une autre version dans ce hadith. Il y a une autre variante dans ce hadith. Alors que le musulman fasse attention hein, à cela par rapport à cela. Que le musulman en vérité fasse attention à cela. Donc savoir que on peut avoir sur nous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'on va causer tort à nos voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteste hein, que celui qui cause préjudice à son voisin mérite l'enfer ou rentre en enfer, ainsi que son attestation pour celui qui est bienséant vers son voisin, donc pour le paradis. Et ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Bukhari dans Adab al-Mufrad et d'autres encore, où Abu Huraira rapporte, donc on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, avec sa langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas de bien en elle. Elle fait partie des Jalayl. Hein? Elle prie la nuit. Donc c'est déjà un travail qui est pas fait par tout le monde. Donc c'est déjà une œuvre qui est importante et pourtant elle n'est pas faite par tout le monde. Elle prie la nuit. Elle jeûne le jour. Donc elle jeûne les jeûnes le lundi et le jeudi, mathan, ayam el bed. Sadaqa. Combien d'entre nous ne font pas sadaqa? Et elle fait quoi? Elle s'aime des fois aux yeux beaucoup de gens. Ce qu'elle parle sur ses voisins, elle cause préjudice, elle les insulte, ou elle parle sur eux. Mouhim, elle leur fait du mal par langue. Le professeur m'a répondu par quelque chose de grave. Il dit: il n'y a pas de bien en elle. Et pourtant, il y a beaucoup de bien. Alors, par un bien, il a dit: il n'y a pas de bien en elle. Alors qu'elle prie, elle prie la nuit. Elle jeûne. Regardez, et c'est quoi? Il lui fait pas de test. Il n'y a pas de bien en elle. Même pas, il rappelle une seule des bonnes choses qu'elle a fait. Il n'y a pas de bien en elle. Tellement, la gravité de la chose, hein, du fait de causer du tort à ses voisins. Ça, c'est trop grave. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui cause du tort à ses voisins, c'est pas quelqu'un qui est du bien en lui. C'est pour ça. Il n'a pas du bien en lui, ce Julien. Et en plus, il fit, Adib, Kemlel, Siem, Sada, elle fait partie des gens de Olam. Retenez contre tout le monde. Et spécialement contre les voisins. Et il dit, un tel prie, donc en parlant d'une autre femme, donc lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallam, donc un tel prie les prières prescrites, donc elle ne prie pas la nuit, ne jeûne pas les jeûnes surérogatoires et donne en aumône, elle ne donne pas en aumône, si elle donne en aumône l'arête qui est du lait, qui est une sorte de lait battu qui est asséché, hein, qui est endurci, qui est asséché, donc juste un petit morceau, donc c'est vraiment la sadaka, elle est vraiment faible, elle donne un tout petit morceau et ne cause pas tort à personne, et ne cause tort à personne. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celle-ci fait partie des gens du paradis. N'oubliez pas que l'islam est fait avec les droits d'Allah et les droits des humains. N'oubliez pas que beaucoup de gens oublient les droits de l'homme. Des fois, on va plus faire attention aux droits d'Allah. Allah, il est plus facile qu'Allah nous pardonne que l'homme nous pardonne. Donc, on doit faire attention aux droits de l'homme. Et comme l'a dit Cheikh Abd al-Malik, par rapport au livre qu'il a écrit, Min Kulli Sura Faida, il dit que Pour chaque sourate que j'ai vue, j'ai toujours retrouvé le droit d'Allah et le droit de l'homme dans chaque verset du Coran. Dans chaque sourate, afouane, dans chaque sourate du Coran, j'ai toujours vu qu'Allah a parlé des droits de l'homme et les droits d'Allah et les droits de l'homme. Les droits, hein, de l'homme avec un grand H. Attention à cela. Regardez, il y a une adoration, mais quoi? Un mal envers les humains. Et regardez le ça veut dire ou le châtiment ou, mashallah, la récompense. Donc, bien sûr, c'est important, cela montre de l'importance d'être bon envers les voisins, ainsi que le fait de ne pas leur causer de tort, Allah al-Musta'an. Et cela arrive à trop de gens. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que parmi les signes du bonheur d'une personne, c'est le voisin pieux. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Bukhari dans l'Albani, rahmatullah alayhim jami'a, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voisin pieux, Ibn Abi Waqqas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 4 choses font le bonheur. La femme pieuse, la demeure vaste, le voisin pieux et la monture confortable. Et 4 choses, le mauvais voisin, la mauvaise femme confortable. Il est donc recommandé de choisir un bon voisin, si possible. Et on dit le voisin avant la demeure. Donc les Arabes disent El Jaza avant la demeure. Comme l'a dit la femme de Pharaon, lorsqu'elle a dit « Oh mon Seigneur, bâtis-moi auprès de toi au paradis. » Donc les Mufassirin ont dit « Elle a choisi le voisin avant la demeure. » Car elle a dit « Donc, Seigneur, bâtis-moi auprès de toi. » Ça ne coupe pas, ça. Alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit que le frère, le père, est partie des signes de la fête du monde. Alors qu'il est connu que son frère, son père et le voisin. Et comme le frère et le père. Donc c'est comme le frère et le père. Donc je vais... Si ça je vous dis là, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je disais donc que le prophète a dit que combattre le voisin, le frère, le père font partie des signes de la fête du monde. Alors qu'il est connu que l'on ne combat pas le frère, le père, le voisin. C'est comme le frère, donc le voisin est considéré dans ce sujet comme le frère ou le père. Il est rapporté dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari ou Abu Moussa rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'heure ne surviendra pas jusqu'à ce que l'homme combatte son voisin, son frère et son père. Na'ouzou billah min zalik. Désobéissance et mal, les rôles sont inversés. Du fait que cela fasse partie de l'approche de l'heure, c'est une preuve de l'importance du voisin, du droit du voisin. Et si les gens sont mauvais avec leur voisin, attend donc l'heure. Il est rapporté aussi de chez l'imam Ahmed et al-Hakim, et le même Albani avec le Hakim donc ont authentifié cette hadith où Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes Allah le très haut n'aime pas le pervers, celui qui commet des actes pervers. Puis il dit par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, l'heure ne surviendra pas jusqu'à ce qu'on le voit, jusqu'à ce qu'on voit la perversion et ses actes. Le mauvais voisinage, la rupture des liens de parenté, jusqu'à ce qu'on considère traître le respectueux du dépôt et qu'on considère honnête le traître. Donc ce sera le moment où le Coran sera élevé, un âme élevé, et on ne connaîtra ni le bien et on ne réprouvera ni le mal. L'heure est proche et cela et sera répandu le mauvais voisinage. Le voisin n'interdit pas à son voisin de planter le bois dans son mur. Et ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim ou Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc que le voisin n'interdit pas de planter du bois dans son mur. Que vois-je? Vous dénouez vos épaules. Donc ça c'est Abdullah à l'époque du... Ça coupe? Plus grand chose par là. Ça coupe. Donc ça coupe, hein. 2 minutes, d'accord? 2 minutes. Je reviens dans 5 minutes. Voilà, je vais couper. Ça va? Ajib, tout à l'heure, je suis certain, ça va. Que Ibn Omar a dit, une fois qu'il a terminé, il a dit, que voit, vous dites d'un compagnon, donc une décennie, ou quelques temps après la mort du prophète, où les gens se détournaient déjà. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je reprends l'hadith où Abu Huraira rapporte que le prophète sallam a dit que le voisin n'interdit pas à son voisin de planter du bois sur son mur. Et puis Abu Huraira dit donc à son peuple, j'ai dit Ibn Omar tout à l'heure, donc non c'est Abu Huraira, Afwan, que vois-je, vous détournez par là, je lance entre vous. Imaginez-vous que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, donc c'est à l'époque donc des plus prédécesseurs, et les gens déjà commençaient déjà à se détourner de ce sujet qui est important. Il a dit par Allah, je le lance entre vos épaules. Ton voisin vient donc avec son bois et son clou dans ton mur à toi et il n'a pas de hein, droit de, et tu n'as pas le droit de l'interdire. Ce détournement a été à l'époque de Abu Huraira. Alors que dire de maintenant? Cela prouve son droit, comme s'il était ton associé dans tes biens. Comme s'il était ton associé dans tes biens. Et aussi, ce qui montre aussi l'importance du voisin, c'est qu'il est prioritaire sur sa, sur la décision, si son voisin peut vivre en maison ou Abu Daoud et Ibn Majah. Le voisin a plus le droit de décider sur son, pour son voisin, et qu'il, donc, attend ce droit de préemption, même s'il est étranger, hein. Donc, si leur droit est un seul, hein. Donc, si leur droit, leur endroit est un seul. Donc, il faut être sûr que l'endroit soit un seul. Pas que ce soit un voisin qui habite à 350 mètres, maintenant. On parle de celui qui est le plus proche. Donc, lui a le droit de préemption. Donc, tu dois passer par lui d'abord, si tu veux vendre, ou si tu veux louer, ou quoi que ce soit. Donc, c'est un hadith qui est rapporté, même par Ibn Majah et Abu Daoud. Ibn Abbas, aussi, donc, dit, rapporte, dans un hadith qui est sahih, et donc on le retrouve dans Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui possède une terre et veuille la vendre, qu'il la propose donc à son voisin. Qu'il la propose à son voisin. Donc tu commences par lui, du fait de son droit. Et d'autres hadiths encore à ce sujet. Il y a plusieurs hadiths dans ce sujet. Donc c'est dans les hadiths qu'on va retrouver où ça? Dans le domaine du commerce. Et il est vraiment grave, et c'est un péché qui est trop grave, de forniquer avec la femme de son voisin. Et ce hadith qui est rapporté par le même Al-Bukhari et Muslim, où Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le pire des péchés auprès d'Allah? Il répondit, que tu donnes un associé à Allah alors qu'il t'a créé. Je dis, puis il dit que tu tues ton enfant par crainte qu'il mange, tu forniques avec l'épouse de ton voisin. Et aussi le hadith qui est rapporté par Tabarani et le même Ahmed, il est authentifié par les mêmes Al-Bani, Al-Imam Jami'a, ou Al-Miqdad. Al-Aswad rapporte que le prophète, sur la fornication, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, leur a dit, qu'un homme commette la fornication, que de commettre la fornication, dit, et que dites-vous sur le vol? Ils l'ont interdit, et c'est interdit jusqu'au jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, donc dit, qu'un homme vole dans 10 maisons est plus aisé pour lui que de voler son voisin. Que de voler son voisin. Et la fornication est interdite. C'est répugnant. Et pourtant, commettre l'adultère avec l'épouse de son voisin, c'est plus grave que de commettre 10 fois l'adultère ailleurs. Donc, c'est le même principe, bien sûr, pour le vol. C'est le même principe pour le vol. Et il est interdit de fermer la porte sur son voisin. Et l'interdiction, hein, de ce qui est bien. Donc, Al-Bukhari rapporte dans l'Adab al-Mufrad, avec une chaîne de transmission qui est bonne, où Ibn Omar, donc dit, nous est parvenu une époque et personne n'était plus en droit de notre argent et notre or que notre frère musulman. Mais maintenant, l'or et l'argent nous est plus aimé que notre frère musulman. Cela est là à l'époque d'Ibn Omar. Alors que dire de la nôtre? Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, combien de voisins seront liés, regardez ce temps-là, seront attachés, liés, hein, par leurs voisins le jour dernier. Donc ils auront alaqa, ils sont liés. Et ils diront, mon Seigneur, celui-ci a fermé la porte sur moi. Il m'a privé de... Rapporte, donc, dans un hadith qui est bon, avec leurs voisins, ils diront, oh mon Seigneur, questionne celui-ci bien. Attention que tu ne sois pas questionné sur tes biens envers ton voisin, hein, par rapport envers ce voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi recommandé le voisin. Un hadith rapporté par les mêmes Al-Bukhari et Muslim, où Ibn Omar, donc d'après Ibn Omar et Aïcha, où Djibril m'a tellement recommandé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Djibril m'a tellement recommandé le voisin, jusqu'à ce que j'ai cru qu'il hériterait de moi. Et rapporte aussi Tabarani, dans une chaîne de transmission qui est bonne, où Umamata dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur sa chamelle au Hajj d'adieu. Il dit, je vous recommande le voisin, et il l'a rappelé plusieurs fois, et j'ai cru qu'il serait héritier. Cela tellement en vérité le droit est grand. Donc il ne faut pas se lamenter sur le tort de ton voisin, hein, sur le tort que ton voisin va te causer, et cela est la cause de ton amour envers Allah. Donc si toi tu patientes sur ce que ton voisin fait sur toi, donc c'est une cause de l'amour de ton amour envers Allah. à cause de ton amour Afwan envers lui, envers Afwan, envers ton voisin. Dans un hadith qui est rapporté par, dans un hadith qui a été authentifié par le même Albani, donc qui a été rapporté par plusieurs, où Abu Dhar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois personnes Allah les aime et trois personnes Allah les déteste. Un homme qui rencontre l'ennemi dans un groupe et leur montre son coup jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il facilite ses compagnons. Et il cite ensuite, et un homme qui voyage avec un groupe et après son voyage, il aime se poser sur terre, il se repose et lui prie la nuit et jusqu'à ce qu'il les réveille. Il laisse ses compagnons dormir et lui prie et il les réveille pour le sopr matin. Et un homme qui a un voisin qui lui cause préjudice est patient sur cet homme jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort les sépare. Et ceux dont, donc regardez, donc nous, ce qui, par rapport au hadith, ce qui nous intéresse, par rapport au sujet, donc c'est l'homme dont le voisin lui cause préjudice et patient sur cet homme jusqu'à la mort les sépare. Et ceux dont Allah déteste, le commerçant qui jure, un âme, donc les gens pour vendre jurent beaucoup, donc ça c'est très détestable auprès d'Allah. Le pauvre prétentieux, on peut comprendre à la rigueur qu'un milliardaire soit arrogant, prétentieux, hein, parce que son argent le fait en vérité rêver ou autre. Donc un pauvre, il n'a aucune raison d'être orgueilleux, d'être prétentieux. Et l'avare qui ne cite que le bien qu'il a fait. Donc quelqu'un qui est avare et dès qu'il fait un bien, il ne fait que le citer. Et celui qui a un voisin qui lui cause du tort, hein, qui ne le rentre pas par la même chose, donc il patiente sur lui. Et cela est la cause donc de l'amour naam d'Allah envers toi, Afwan. Naam. Donc cela est la cause de l'amour naam d'Allah envers toi. Et si Allah t'aime, qu'as-tu perdu? Naam. Parce qu'au départ j'avais dit la cause de la mort d'Allah et après j'ai dit l'amour du voisin. Donc c'est bien l'amour d'Allah envers toi. Et si Allah t'aime, donc qu'as-tu perdu? Tu n'as rien perdu. Donc pour obtenir cela, présente lui-même ce qui est le plus cher. Donc si tu veux obtenir l'amour d'Allah, présente même à ton voisin ce qui est le plus cher. Si tu fais du mal, sache que si tu passes en chasse, sache que parce que Allah t'aime. Donc Allah va te donner cette épreuve et tu vas inchallah réussir cette épreuve et tu vas patienter et Allah t'aura donné son amour. Être bon envers son voisin, c'est aussi une cause de l'amour d'Allah. Dans un hadith qui est rapporté par Imam al-Tabarani et donc il est aussi ce hadith est bon où le prophète sallallahu alayhi wa dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'essuient avec l'eau de son ablution. Donc il était masahoun. Il prenait cette eau et leur dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui vous fait commettre cela? Ils dirent l'amour d'Allah et son envoyé. Demandez de la bénédiction de ce qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est vivant. Les compagnons l'ont fait du surplus de ses ablutions, de sa sueur, mais pendant qu'il était vivant, pas après sa mort. Cela est interdit car ces choses bien sûr n'y sont plus déjà. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui veuille se réjouir d'aimer Allah et son envoyé, ou qu'Allah son prophète l'aime, ou qu'il dise la vérité lorsqu'il parle, qu'il protège le dépôt lorsqu'on lui place sa confiance, et qu'il soit bon, et qu'il soit un bon voisin envers bien sûr ceux qui vivent à côté de lui, et qu'il soit bon voisin. Donc envers le voisin est un signe de foi. La bonté envers le voisin est un signe de foi. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah et l'imam Ahmed, et il est authentique, ou Abu Huraira, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui prend de moi ces paroles et l'enseigne à ceux qui l'appliquent, ou l'appliquent eux-mêmes? Je dis moi, ou envoyé d'Allah, il m'a pris par la main et a cité 5 points. Il dit, crains ce qui est interdit, tu seras celui qui adore le plus. Et accepte ce qu'Allah t'a octroyé, tu seras le plus riche. Sois bon envers tes voisins, tu seras croyant. Et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras soumis. Et ne vis pas trop, enfin, et ne ris pas trop, car trop rire tue le cœur. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, et le bon, ou Abu Hurayra aussi toujours, cite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Huraira, sois dévot, tu seras le plus pieux, sois persuadé, tu seras le plus reconnaissant, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu seras croyant et sois bon envers tes voisins, envers ceux qui vivent près de toi, donc envers tes voisins. Tu seras musulman, ris peu, car trop rire tue le cœur. Donc les premiers aussi qui se disputeront devant Allah Azza wa Jal, ce seront les voisins, Yom Al-Qiyamah. Et ce hadith qui est rapporté par Tabarani et l'imam Al-Bukhari, Hassanahu Al-Albani, ou Uqba ibn Amir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les premiers qui se querelleront le jour dernier sont deux voisins. Donc cela montre l'obligation de faire les voisins. Parce que c'est les premiers qui vont être jugés par rapport à cela. Le témoignage du voisin envers toi, c'est ton cas, ta réalité. Donc sache que si ton voisin dit du bien ou du mal de toi, sont unanimes ou bien qu'il y a beaucoup d'entre eux qui disent un tel autre voisin est comme ça, c'est que c'est vrai. Ouais, tout droit, Inch'Allah. Donc le témoignage du voisin, hein, donc c'est ton cas, c'est ton réalité, c'est ta réalité. Un hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi, Ibn Hibban, Ibn Majah et Al-Bukhari, où, et ce hadith bien sûr donc, qui est authentifié par le même Albani, donc sûrement Al-Bukhari, mais c'est pas dans Sahih Al-Bukhari, mais dans Adab al-Mufrad, où Ibn Mas'ud rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, comment saurais-je hein, que j'ai commis un bien, que saurais-je que si j'ai commis un bien, c'est un bien, et que si j'ai commis un mal, c'est un mal. Il dit donc, sallallahu alayhi wa sallam, par réponse, si ton voisin te dit tu as commis un bien, voilà donc. Et si tu le dis tu as commis un mal, voilà donc. Et aussi dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, donc un hadith qui est rapporté par Al-Hakim, où Abu Huraira rapporte qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, montre-moi un acte que si je le commets en pratique, que si je le mets en pratique, j'entre au paradis. Il répond, sois bien séant. Et il dit, comment le saurais-je si je suis bien séant? Il lui dit, questionne tes voisins. S'ils te disent que tu es bien séant ou bien faisant, hein, donc sois bien faisant. Donc comment le saurais-je si je suis bien faisant? Il dit, questionne tes voisins. S'ils te disent que tu es bien faisant, alors tu l'es. S'ils disent que tu es malfaisant, alors tu l'es. Ils attestent avec vérité et ils te connaissent. Sois bon, hein, sois donc bon envers eux. Et s'ils attesteront, leur attestation donc est acceptée et reconnue. Non, parce que là, donc le témoignage, shahadat le jiran, elle est acceptée, elle est reconnue. Et là, c'est vrai, une enquête de personnalité masculine, on demande aux voisins. Donc hatta, même le kafir le sait ça. Ça c'est quelque chose qui est connu. Hatta, le non-musulman connaît cela. Et aussi, rajoute du bouillon lorsque tu prépares de la viande, afin de lui en donner. Dans un hadith rapporté par le même muslim, ou Abu Dhar, rapporte, certes, mon ami intime m'a recommandé si tu prépares du bouillon, mets beaucoup d'eau, puis verse-en à ton voisin, à tes voisins, en toute bonté. Et d'autres versions encore qui montrent cela. Et malheureusement, qui de nous, bien sûr, le font. Qui de nous, en vérité, par rapport à tous les hadiths qu'on avait auparavant, déjà, ce qui va encore suivre, font exactement cela. Parce que, véritablement, on n'a pas compris. Véritablement, on n'a pas compris, ou bien on a très très peu compris. Il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Nasai et l'imam Al-Bukhari dans Adab Al-Mufrad. Donc, c'est un hadith qui est bon. Ou Abu Huraira rapporte, parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô mon Dieu, je me réfugie auprès de toi contre le mauvais voisin dans une demeure stable, car le voisin bédouin change. Et dans une variante de Al-Bukhari, hein, le voisin de la vie d'ici-ba change. Ibn Hibban et Daylami rapportent une hadith qui est authentique. Parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô mon Dieu, je me réfugie auprès de toi contre le mauvais voisin, contre une épouse qui me donne des cheveux gris avant la vieillesse. Subhanallah. On parlait déjà de ça, hein, de la femme qui donne les cheveux gris, subhanallah, avant la vieillesse, contre un enfant qui devient mon maître, hein, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui commande, et contre des biens qui sont un châtiment, naam, celui qui a de la dunya, mais en vérité, sa dunya, hein, au lieu qu'elle soit un bien pour lui, c'est que donc il l'utilise dans le haram et il oublie tout. Hein, donc ça devient que du malheur pour lui. Il oublie la religion par rapport à ce bien-là. Donc le bien, c'est pas un châtiment. Le bien, c'est toi qui es son maître. C'est pas le bien qui est maître de toi. Hein. Et contre un ami intime ruseur. Dame, t'as quelqu'un de confiance, hein, tu passes des années avec, ça se passe bien, du moins a priori, et puis en vérité il ruse, il profite de toi, il te fait un jour des coups en traite et la khélie. Et autre encore. Le hadith est plus pour ça encore. Donc là, on a bien vu qu'il a parlé du voisin. Les hadiths qui sont rapportés par les mêmes Abu Daoud et Ahmed, et il est authentifié par les mêmes Albani et Malik, donc les mêmes Abu Daoud, Ahmed et Malik, Rahmatullah alayhim jami'a, et authentifié par l'Albani, où Abu Saïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La sadaqa n'est pas permise pour le riche, sauf dans 5 cas. » Premièrement, pour celui qui combat dans le sentier d'Allah. Deuxièmement, ou celui qui travaille à récolter la sadaqa. Troisièmement, ou celui qui mérite le butin. Quatrièmement, ou celui qui l'a acheté de son propre argent. Hein, et un homme à son voisin, pauvre, qui donne la sadaqa et ce dernier la donne à un riche. Donc, tu fais une sadaqa, tu la donnes à ton voisin pauvre, et c'est surtout ton voisin pauvre la donne à quelqu'un qui est riche. Donc lui, à son voisin qui est riche, et lui, ce riche-là, donc, là, à ce moment-là, il est permis de la donner à son voisin, même si son voisin était riche. Aussi, le bon voisinage remplit la demeure. Le bon voisinage remplit la demeure. Un hadith qui est rapporté par le Bayhaqi et Ahmed, et authentifié par l'imam Al-Albani, rahmatullah alayhim jami'a, ou Aïcha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les biens de parenté, les liens de parenté, le bon comportement et le bon voisinage remplissent la demeure et augmentent dans l'âge. Et il y a d'autres hadiths encore qui citent ce sujet. Et ce qui prouve la dangerosité de commettre préjudice envers le voisin, c'est la première chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peur. C'est que le voisin s'empresse vers son voisin avec son épée. Hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que j'ai le plus peur pour vous, c'est un homme qui lit le Coran. Hein, voire même jusqu'à ce que son front soit touché ou que son front soit. Donc il lit vraiment le Coran. Hein, jusqu'à ce que son front soit touché. Alors, je ne sais plus si c'était par la sueur ou bien le fait de faire beaucoup de soujoud. Alors même j'ai oublié. Il dit, donc il le laisse derrière lui. Donc, hein, il y a toujours quoi. Il va laisser derrière lui ce Coran. Et sort chez son voisin avec son épée et l'accuse d'associateur. Et l'on dit, et lequel des deux est associateur? L'accusateur ou l'accusé? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, l'accusateur. Et d'autres hadiths qui mentionnent encore, bien sûr, ce sujet. Et aussi, il y a aussi des hadiths que s'ils ne se parlent pas 3 jours et qu'ils meurent ainsi, donc ils sont en perdition. Le prophète Sassam a dit que les voisins qui sont en dispute et qui ne se parlent pas, donc Bimana Kalamihi, qui ne se parlent pas 3 jours, ils sont en perdition. Et c'est aussi une fitna. Le voisin est une fitna pour le voisin, dans un autre hadith. Hein? Comme, donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la fitna de l'homme, donc c'est son bien, son épouse, son enfant et son voisin. Donc je recommence, son bien, son épouse, son enfant et son voisin. Et cela va s'expliquer par la prière, hein, le jeûne, la sadaqa. C'est comment, bien sûr, il va être avec eux. Comment il va s'expliquer? Tu veux que faire bien, donc il faut que tu enseignes à ta famille la salat, que tu enseignes à ta famille le jeûne, que tu fasses sadaqa à ta famille et à ton voisin. Donc voilà comment la personne doit être. Et les compagnons aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ont suivi, hein, cet exemple et ont été bons, hein, ont été bons avec les voisins. Donc, des hadiths rapportés par l'imam al-Tirmidhi, al-Nasai, Ibn Majah, et rapportés par l'imam al-Albani, ou Abu Zayd, rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait près d'une maison, des Ansar, et a retrouvé une odeur de viande grillée, et dit, qui a égorgé? Donc, quelqu'un d'entre nous est sorti du groupe et a dit, moi, ou envoyé d'Allah, j'ai égorgé avant de prier la prière de l'Aïd. Donc, c'est-à-dire, il a égorgé pour pouvoir donner, hein, afin d'en donner en nourriture à ma famille ainsi que mes voisins. Donc il a voulu tout de suite, hein, on avait vu déjà par rapport à Hadith al-Shir Abdel Malik, lorsqu'on parlait de quitter, hein, Salat al-Jumu'ah, on avait déjà discuté de ce sujet, Donc ainsi que mes voisins, donc il donne pour lui ainsi que pour ses voisins. Donc on voit qu'il a porté à ses voisins lorsqu'il a égorgé. Il y a un autre hadith qui est authentique, qui est rapporté par Ibn Majah, où Aïcha rapporte que passer donc un mois ou deux mois sans que le feu soit allumé. Hein? Et on avait de véritables voisins qui nous envoyaient donc de leur laben. Ils leur donnaient de leur laben. Et il est rapporté aussi dans Adab al-Mufrad, hein, et aussi donc de l'imam al-Bukhari, et dans Abu Daoud, Tirmidhi, et l'imam Ahmed, et il est authentifié par l'imam al-Albani, où Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, rapporte, on lui égorgea une brebis, il dit, en as-tu donné aux voisins juifs, et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à Jibril, hein, dire, Jibril ne cessait de recommander le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il soit mon héritier. Donc on a terminé pour ce qui est du coup du voisin, même si la cassette en vérité n'est pas terminée, mais l'audio elle est terminée. Mais apparemment Shirin a continué, mais ça se coupe comme ça. Donc apparemment il aurait peut-être continué à donner plus d'exemples sur les compagnons, mais l'audio elle s'est terminée comme ça. L'enregistrement il n'y a plus rien après. Donc on a terminé pour ce qui est du cours qui est en vérité important. Donc on a parlé de quelque chose qui est important, hein, du fait que ça, être bon avec les voisins, ça fait monter la foi, c'est un signe de foi, ça fait rentrer au paradis, être mauvais avec les voisins, ça fait rentrer en enfer, ça enlève la foi, hein. Donc c'est une fitna, c'est une perdition, on a vu beaucoup de choses, on a vu que des choses qui sont trop importantes, hein, dans le sujet. On n'a pas vu de choses qui ne poussent pas, justement, c'est-à-dire qui vont pas, on va dire, comment dire, attirer l'attention. Lorsqu'on entend ça, on prête l'oreille justement donc du fait de savoir comment on doit se comporter avec les voisins. Donc alhamdoulilah, nous on a des voisins, mais en même temps on est voisins. Donc c'est un khair de recevoir. On voudrait tous recevoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, hein, dans les hadiths qu'on a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voudrait tous être donc celui qui va avoir de bons voisins pour que nos voisins soient exactement comme cela. Hein, dans tous les domaines. Et on a vu aussi que le voisin, donc, ça revient à la coutume. Le voisin revient à la coutume. Maintenant, celui qui habite, hein, peut-être dans un petit village où ils sont vraiment pas beaucoup, peut-être qu'ils vont tous se considérer voisins parce que tout le monde se connaît, maintenant. Mais celui qui habite dans une grande banlieue, comment il fait? Des fois, il connaît même pas celui qui habite dans l'immeuble à côté du fait qu'il y a peut-être 40, 50, 60 familles. C'est un exemple. Il a khéli. Donc, on a terminé, donc, pour, ce qui est, du coup, donc, de ce soir et le prochain cours donc le jour là jeudi, donc c'est demain, hein, avec Cheikh Obeid El Jabili. Donc c'est avec Cheikh Obeid El Jabili. S'il y a des questions, mais par rapport à ce qu'on a vu par rapport au voisin, s'il y a pas des explications à donner, du fait qu'après on va plus revenir dessus, donc j'en reparlerai plus. Sinon en général on demande que ce soit par écrit. Naam. Barakallahu fikoum. Naam. Karinel et Oumul Aouled. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sûrement, Naam, le cours est-il enregistré? Sûrement par des gens, je pense à vous Ahmed ou d'autres. Normalement, oui. Donc, la rigueur, si vous le faites passer comme elles font l'après-midi, sûrement Abou Ahmed le mettra peut-être l'après-midi, peut-être dans. Pour ce qui est en général de rediffusion, donc le salon, j'ai oublié le nom, le titre là sur voilà. Donc Abou Ahmed il passera dans son salon s'il le veut bien, voilà. Et je crois qu'il va être mis normalement Abou Ahmed, je crois. C'est Ahmed Abou Houd, je crois qu'Abou Ahmed va le mettre aussi dans le Hadith normalement. Il y a une place pour le Hadith dessus. Naam, ça, exactement. Voilà. Donc Karinel ou bien Aïssa. Naam. Donc après voilà. Donc on termine ici, Inch'Allah. Donc on termine ici. Barakallahu fikoum. Donc voilà des questions. Donc ceux qui ont des questions, comme ça, je prendrai tout ce qui reste comme question pour Cheikh Obeid. Donc je ne sais pas si ce sera pour demain. Mais ceux qui ont des questions pour les douloureuses de Cheikh Obeid, qui n'oublient pas d'envoyer au repère de la Sunna. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.